C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour. À qui l'entend, regarde autour. À qui le veut, vraiment. C'est tellement moyen d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous. Nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement court, une vie tellement fragile aussi, que de courir après le temps. Ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne. Envie d'aimer, faire j'ai